La troupe de musique Moranbong, la chorale d'État émérite et la troupe artistique Wang Jiesan ont levé le premier rideau à Wonsan le 13 septembre. Les cadres, les travailleurs, les jeunes étudiants de la province du Gangwon et de la ville de Wonsan ont assisté au spectacle de musique et de danse. Les artistes ont mis sur la scène de façon nouvelle les chants de la marche révolutionnaire, chants dédiés à l'époque du Parti du Travail qui progresse vigoureusement vers la puissance socialiste en étonnant le monde entier par les grandes victoires et les événements extraordinaires remarquables dans l'histoire nationale. Le spectacle continue.